savoir qui a trompé qui. Comme ça que je reste fidèle à moi. L'objectif c'est faire de la maille, car la chance est déjà fait la malle. On fait les bails, on taffe la night. Marie me fait l'effet d'un famas. Mon flow est inflammable, s'il y a de l'essence, fais gaffe, ça fera mal. R-I-F-A, maintenant tu connais l'artiste. Après l'impact sur le pare-brise, bientôt ça sera dans les bacs fils. Le bon rap on le pratique, mais dans nos poches y'a toujours pas de bif. Bref, si je suis là c'est pour faire la diff. Ouais, MC donne pas d'ordre, ici c'est moi qui décide. Si t'es trop encombrant, Daf te jettera dans un puits d'acide. Alors bouge pas d'un cils, tu connais la suite. Je t'envoie un missile aussi lourd que White Twizy de tester. Je te le déconseille, tu serais déjà mort avant que t'essayes. Je suis un bâtard, je sais, je t'envoie la note avant le dessert. En fait, soit tu repars à poil ou en bécane, mais je suis en face et je te shoot avec un poil. Écoute le son, débloque la série Fag qui débarque. On vient marquer l'époque, la concurrence on se démarque. On vient casser les portes, je me suis armé d'efforts. Avec une armée de frères, si tu veux nous stopper c'est mort. Écoute le son, débloque la série Fag qui débarque. On vient marquer l'époque, la concurrence on se démarque. On vient casser les portes, je me suis armé d'efforts. Avec une armée de frères, si tu veux nous stopper c'est mort. On m'a dit que t'aimais la frappe, donc prends mes couplets comme du bon taga. Avec une bombe j'attaque, t'es mort même si tu montes ta garde. Ça y est, le missile est lancé, façon Arcana Kenny. Attends qu'il atterrisse, j'garantis un carnage terrible. J'suis pas né de la dernière pluie, moi quand j'arrive c'est la tempête. Désolé si ça t'embête, mais ma punchline se place en tête. Le rap c'est comme la boxe, et t'inquiète j'assure les coups. Si les rageux sont sur mes côtes, c'est que mon mic est sur écoute. Trop souvent déçu des autres, petit conseil fais confiance qu'à toi-même. Certains te la mettent, moi y'a qu'avec les vrais que j'partage ma gamelle. Oh Max, prod, c'est le label Zinc. Vas-y paye ta taille, j'suis plus Jack Daniel que la belle 5. Appelle ça comme tu veux, mais j'te préviens, reste poli petit. Ce que t'as fait, ce que t'as vu, on s'en branle comme la politique. Rifa, tu me connais, j'suis pas un pro, mais j'kick. J'mets la cagoule et j'tire et j't'achève en rimant pour le côté poétique. Écoute le son, débloque la série Fa qui débarque. On vient marquer l'époque, la concurrence on se démarque. On vient casser les portes, j'me suis armé d'efforts. Avec une armée de frères, si tu veux nous stopper, c'est mort. Écoute le son, débloque la série Fa qui débarque. On vient marquer l'époque, la concurrence on se démarque. On vient casser les portes, j'me suis armé d'efforts. Avec une armée de frères, si tu veux nous stopper, c'est mort.